Voilà, bonjour à toutes et à tous, il est 10h. Vous êtes sur MRC Radio, la radio des hits avec Michel. On est ensemble jusqu'à 12h, c'est le direct. Alors au programme cette semaine, elles sont de retour, elles et ils sont, la playlist Les Talents d'ici d'ailleurs. On va les écouter tout au long de cette matinée. Bien sûr, les toutes dernières nouveautés 2019. Vous allez découvrir des groupes, des chanteurs, des chanteuses que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. On vous les fait découvrir ce matin dans l'émission. Aux alentours de 11h, on fera une petite sortie, on fera l'agenda. Qu'est-ce qui va se passer ces jours-ci, ce mois-ci, cette année? C'est sur MRC Radio. J'espère que vous avez passé une excellente semaine à l'écoute de nos programmes de plus en plus nombreux. Je le constate tous les jours. Merci à vous de votre confiance et de votre fidélité. Hier, pour vous dire, vous savez que je vous dis tout hein, quand vous êtes en direct et quand nous sommes en direct. On a encore eu deux propositions de programme. Alors, on est en train d'étudier la question au sein de l'équipe. Deux émissions encore qui vous seront proposées en soirée. Pourquoi pas avec deux nouveaux animateurs. Il n'y aura pas plein de nouveautés en 2019 sur votre radio. Certainement entendu parler de la playlist Talents d'ici d'ailleurs. Si vous voulez bien en faire partie, il faut nous envoyer, déjà nous contacter, vous dire voilà, je suis chanteur, chanteuse, je fais partie d'un groupe. Nous contacter au 06 28 20 57 61 ou sur MRC Radio, www.mrcradio.fr, la rubrique contact, ou sur mrcradioweb@gmail.com, il y a la page Facebook, il y a la page Twitter, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un extrait de ce que vous faites, si vraiment vous chantez bien ou si c'est intéressant, et bien on le fera découvrir à nos auditeurs, à nos auditrices le vendredi dans la playlist Talents d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes une association, vous avez envie de réaliser quelque chose, un spectacle, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites annonces. Bientôt, vous aurez, vous savez, on a l'agenda là, tout à l'heure vers 11h. Eh bien, on va essayer de vous faire un agenda tous les jours, à plusieurs reprises dans la journée, avec vos annonces. Pour celle-là, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de passer à l'antenne vos annonces de sortie, si vous faites un loto, si vous organisez une sortie, un voyage, un spectacle. Si vous êtes une association, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, place à la musique. Nouveauté, MRC Radio. Vous connaissez certainement le groupe. Il s'appelle 5 Seconds of Summer. Tout nouveau titre tiré de leur dernier album. Ça s'appelle Lead to Me. Et c'est encore et c'est déjà une nouveauté 2019 sur l'antenne de votre radio. Vous êtes gâtés, vous, le vendredi matin. Je vous rappelle, en rediffusion le dimanche matin à la même heure. I saw you looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice.

sur MRC Radio, la radio des hits. Bonjour, merci, le nouveau Arcadien. Merci. Et on rentre tout de suite dans la playlist Talent d'ici. D'ailleurs, elle s'appelle Alison Glado. Et c'est la femme Elastix. Talent d'ici, d'ailleurs. Je ne me montrais pas telle que j'étais. C'est aujourd'hui que je veux te dévoiler ce que veut dire chez moi le verbe aimer. La vie est tellement belle avec de jolis queues que j'ouvre les yeux de manière moins heureuse. Lâche-moi, oh oui, de tes sentiments. Fixe-moi, oh oui, d'un fleuron. Mais on va de ta bouche maintenant. Écarte les F, position X. Femme élastique, S subit. Écarte les F, pratique X. Femme élastique, S écarte les F, position X. Femme élastique, S subit. Écarte les F, pratique X. Délicatement tes mains caressent, mise en dedans de ta bouche, de ta langue me touchant. Cartouche, tu fermes les yeux et ressens la réelle adieu. L'amour de ta voix rencontrée, continue à être toujours à mes pieds. Je te demande pas ta main pour l'éternité. Lâche-moi, oh oui, de tes sentiments. Fixe-moi, oh oui, d'un fleuron. Mes oies de ta bouche maintenant. Déshabille-moi, sans consentement. Femme élastique, femme élastique, cesse, écarte les F. Position X, femme élastique, S subit, écarte les F, pratique X, femme élastique, S écarte les F, position X, femme élastique, S subit, écarte les F, pratique X. Tais-toi, assassine mon corps dans ce rapport, fais de moi ta femme fontaine en désaccord, ne me parle pas de maths, maths, maths, la mort, t'es génie de ta périnée ou de prime, se doit t'es balèze baisantée, enivrante, gémissante, gravité, passe-passe au royal préliminaire à deux balles, t'es terminale sans abat, tu t'es allé, ta balle, ne me demande pas l'amitié, fais-moi le cheval, lâche-moi, oh oui, de tes sentiments. La playlist Talent d'ici d'ailleurs sur votre radio. Alison Glado, Femme Elastix. Position X. Femme Elastix, S subit. Écarte les F. Pratique X. Les amoureux ont rendez-vous les samedis 26 et dimanche 27 janvier au salon spécial Saint-Valentin à Tilloy-les-Mofflaines. 30 exposants seront présents pour vous aider à trouver le cadeau idéal et gagner un week-end romantique pour deux personnes. Encore une bonne raison d'aller au salon spécial Saint-Valentin à Tilloy-les-Mofflaines les samedis 26 et dimanche 27 janvier. Entrée gratuite. MRC Radio, nouveauté. Nouveauté. Okay, en parlant du salon des amoureux, je serai à l'animation pendant les deux jours. C'est ce week-end, je vous rappelle, samedi et dimanche. Samedi à partir de 10h. Tiens, ça c'est une nouveauté MRC Radio. Elle s'appelle Loane, pas Louane. Le titre c'est Normal, ça vient de sortir. Écoutez, très très belle voix, Madame Loane. Je vais là où j'ai mal, mais je vois les étoiles. Du divan, j'ai beau croire ceux qui m'aiment, les écouter pourtant, je vais là où le ciel me dit non, rien de bon. Et ce n'est rien qu'une course à l'idéal, je ne trouve pas d'ordinaire à ma taille, suis-je bien normal, normal, normal, bizarre. T'y vas. Je dois bien avouer, j'avance à reculons. Quand je sais plus où je vais, aveugle à l'intuition. Que j'aille bien ou bien mal, je me perds au final. Je vais là où le ciel me dit non. Je dois bien les calmer, mes chevaux sans arène, qui ont tant soif d'amour que leurs élans me gênent. Et je laisse dans mes cavales des traces un peu spéciales, à persuader mes nuits que je suis pas bancale. Non. Mais ce n'est rien. Encore des nouveautés sur MRC Radio, le nouveau Mossiman avec monsieur, avec Carla Katz, madame, pardon, Animore sur MRC Radio. Et on revient tout de suite à la playlist de Talents d'ici d'ailleurs, le groupe s'appelle De Chez Lui, tout collé. J'ai quitté Paris, oh, pas de chance, il faut venir dans le Nord. De Chez Lui, Talents d'ici d'ailleurs. Quasimodo, le charme top de Pigalle, qui grue de sacré cœur en mal de femme, et les gentils touristes tout Eiffel, carte postale. J'ai quitté Paris et Notre-Dame, la petite vieille en larmes au fond du dédale, où courent les travailleurs fourrés à la canne, dans les cracheurs de foule au quai face. De voiture infatigable, que puis jamais pervenche à demi-femme, pendant que les hommes sans doute j'étire leur corde futale. J'ai quitté Paris et Notre-Dame, et petit loyer cher en sixième sans escale, où gueulent les voisines plus du tout femmes, la redevance télé, ses émissions matinales. J'ai quitté Paris. C'est mieux comme ça. J'ai quitté Paris. MRC Radio. La radio plaisir. Ah, les nouveautés du vendredi matin sur MRC Radio, la radio des hits. On enchaîne avec Philippe Elise, tout collé. Madame la paix. Nouveauté 2019 sur MRC Radio. Allez, viens, pourquoi tu m'as quitté, toi qui pouvais me consoler. Allez, reviens, je t'ai peut-être mal dragué. Tu es si belle, je ne sais plus comment on fait. Tu fais des tiennes, tu me regardes de loin, toujours incertaine, allez reviens. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. Même comme ça, je suis célibataire, tu vois. Même si tu m'as largué, je mets ma fierté de côté. Laisse-moi te parler, laisse-moi te regarder. Ne pars pas comme ça, sans m'expliquer. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. S'en est allé. Regarder le monde avec toi, juste une fois. Regarder le monde avec toi. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. Allez, de retour avec la playlist Talent d'ici d'ailleurs. À chaque fois qu'on lui indique qu'elle passe dans la playlist, elle nous envoie un petit coucou, elle nous envoie plein de petits cœurs et nous, ça nous fait plaisir de vous la faire écouter. Elle a sorti un album, donc vous pouvez toujours acheter cet album. Elle s'appelle Ophélie Morival. Voici donc un extrait de cet album. Dans mes veines, Ophélie Morival, Talent d'ici d'ailleurs. Du passé au présent, ce que je veux maintenant ne va que de l'avant, c'est tellement évident. D'hier à aujourd'hui, c'est vrai que rien ne s'oublie, bien souvent on s'appuie sur ce que l'on connaît de la vie. Mais tout me mène à toi, et je ne sais pas pourquoi je m'invente avec toi une vie qui nous ressemblera, une vie qui nous ressemblera. Mais tout est ainsi dans mes veines. Puis un jour on oublie toute sa peine. D'un regard, il suffit d'un je t'aime. Pour te voir aujourd'hui dans mes veines. Dans mes veines. Mais tu cours. du passé au présent, ce que je vois maintenant, c'est ce qu'il y a devant. Sans regret, c'est évident. D'hier à aujourd'hui, c'est le futur qui prend vie. Je me sens bien ici, avec ce que je sais de ta vie. Mais tout me mène à toi, et je comprends pourquoi je m'invente avec toi une vie qui nous rassemblera, une vie qui nous rassemblera. Mais tout est inscrit dans mes veines. Puis un jour, on oublie toutes ces peines. D'un regard, il suffit d'un je t'aime. Pour te voir aujourd'hui dans mes veines. Et tout est inscrit dans mes veines. Puis un jour, on oublie toute sa peine. D'un regard, il suffit d'un je t'aime. Mais tu coules dans ma vie. Et dans mes veines. MRC Radio. Plus de musique. Plus de musique. Plus de musique. Plus de musique. Plus de musique. Plus de musique. I am me. And I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boom. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining. I know, oh, oh, oh, even though, oh, oh, oh, you try to take me down, you cannot break me, nana. Toutes ces voix, fais comme ça, moi je les cale pas. You will never remove my crown. Who are we? When we hurt, when we fight for free. Only God can judge you and me. Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine, parfois l'amour aussi. Et ça passe ou ça casse, mais ça regarde qui. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich. Vous avez déjà passé roi sur MRC Radio. Là, aujourd'hui, c'est la version acoustique qui vient de sortir. Elle est sortie il y a à peine 2 jours. Lui aussi, il revient avec un nouvel album. Il s'appelle Monsieur Bob Sinclair. Je suis un roi. En partenariat avec Monsieur Robin Williams. Ah oui, c'est exceptionnel. Electrico Romantico. Nouveauté, merci Radio. But it's got to be automatic in your electrical romantical. Trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way. Yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside. Sinclair, Robin Williams, nouveauté, merci Radio. Lui, il fait partie de la playlist Talent d'ici d'ailleurs, on l'avait découvert en 2018. Il s'appelle Javanel et un titre dédicacé à toutes les Amandines. On pense à elle, Javanel, Talent d'ici d'ailleurs. Dans la soule, au son du beat, je rappe des carottes et des gruyères. Je fonds de plaisir quand je m'attaque aux légumes verts. Je vais jeter à rien et voir où la vie m'entraîne. Je veux son filet mignon. Avant-y. une exclusivité MRC Radio. Eh oui, encore une exclusivité, et ça c'est un petit peu la chouchoute de mon émission. Elle s'appelle Vanessa Paradis, vous la connaissez toutes et tous. Elle revient avec un nouveau titre qui s'appelle Kiev, une très très belle chanson. Vanessa Paradis, exclusivité MRC Radio. Vanessa Paradis sur votre antenne, Kiev. Exclusivité, merci Radio. Tiens, moi je suis content de son retour, monsieur Jean-Louis Aubert. Il fait partie d'un titre de monsieur Delgré, ça s'appelle Vivre sur la route. Ils ont fait un petit duo ensemble et c'est assez sympathique. Delgré et monsieur Jean-Louis Aubert. Si la curiosité te pousse à partir, vas-y. peux pas vivre sur la route comme ça toute ma vie. I can't live without your love, babe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, assez sympathique ce duo. Delgré et monsieur Jean-Louis Aubert. Allez, la troupe Métronome, ils sont de la région, c'est un talent d'ici. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la troupe Métronome, vous allez sur leur page Facebook. Ils recrutent Né pour t'aimer. Ce qu'on attend de moi, je l'entends, c'est ta prière qui me ramène dans tes bras. Suis qu'imaginaire. Ce qu'on attend de moi, je l'écrirai sur tous les murs pour être sûr que tu les vois. Ces mots qu'on dit dans un murmure. Je suis né pour t'aimer, je le jure. Comment pourrait-il en être autrement quand je pense à toi à chaque instant. À chaque instant, je suis né pour t'aimer, j'en suis sûr. Si j'espère un jour trouver la place dans ton cœur endormi dans la glace, dans la glace. Si tu veux m'écouter, si tu veux me trouver, je suis né pour t'aimer. Quand défilent les pantins à leur tête, j'ai le premier rôle, guidé par un magicien. Je suis à toi si tu me frôles. Mon silence en dit long sur mon destin, sur mon chemin, façonné par ton horizon. Je le vois si tu le fais mien. Je suis né pour t'aimer, je le jure. Pourrait-il en être autrement quand je pense à toi à chaque instant, à chaque instant. Je suis né pour t'aimer, j'en suis sûr. Si j'espère un jour trouver la place dans ton cœur endormi dans la glace, dans la glace. Si tu veux m'écouter, si tu veux me trouver, je suis né pour t'aimer. Comment faire de ta vie le plus beau des contes de fées? Comment te faire ressentir ce que personne ne t'a donné? Tu seras ma princesse pour l'éternité. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'aimer, je le jure. Comment pourrait-il en être autrement quand je pense à toi à chaque instant. À chaque instant, je suis né pour t'aimer, j'en suis sûr. Si j'espère un jour trouver la place dans ton cœur endormi dans la glace, si tu veux m'écouter, si tu veux me trouver, je suis né pour t'aimer. MRC Radio, la radio des hits. Thank you. Eh oui, déjà 11h sur votre radio, MRC Radio, la radio des hits. C'est la petite musique pour... on va parler agenda, on ouvre l'agenda pendant quelques minutes. Alors, Caudry d'hier et d'aujourd'hui vous propose son exposition en immersion, ça s'appelle « La vie dans les tranchées ». C'est jusqu'au 31 mai prochain, à l'espace de vie Saint-Landry-Flamand, place des Mantis, c'est à Caudry. C'est ouvert tous les jours de 15h à 18h, sauf le mardi et le dimanche. L'entrée est gratuite et je vous invite à aller voir cette exposition, elle est magnifique. Tiens, si vous avez envie de gagner, vous savez, on est partenaire avec le direct de la Web TV sur la page Facebook ou sur le www.ledirectdelawebtv.fr. Il y a un jeu sur la page Facebook avec notre partenaire, les assurances AFD. Pour la Chandeleur, vous pouvez gagner, eh bien... les appareils pour faire les crêpes, la poêle traditionnelle ou électrique. La crêpière, voilà, je cherchais le mot. Donc n'hésitez pas à partager, il faut partager sur votre page, aimer les deux pages bien sûr. Donner deux amis en commentaire et bien sûr dire celle que vous voulez, traditionnelle ou électrique. Tirage au sort le jour de la Chandeleur, c'est normal. À Caudry, on vous propose le murmure des livres. Vous aimez lire et vous voulez partager ce plaisir? Déposez un ou plusieurs livres dans le hall des ateliers culturels de Caudry. C'est au 21 rue Jacquard jusqu'au 2 février. Bien sûr, pendant les heures d'ouverture. Chaque livre déposé sera comme une brique sur le mur des livres. Alors, le samedi 2 février à 11h, il y aura la démolition du mur. C'est-à-dire, vous pouvez venir, on démolit le mur et vous repartez avec les livres qui sont tombés par terre. Voilà, c'est pas plus simple que ça. C'est au 21 rue Jacquard à Caudry. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on a eu la petite annonce. Il y a le salon spécial Saint-Valentin pour les amoureux. C'est le samedi 26 de 10h à 20h et le dimanche 27 de 10h à 18h. C'est la salle polyvalente de Tilloy-les-Monflaines, c'est juste à côté d'Arras. 30 exposants prêts à porter bijoux, parfums, spa, détente, beauté, gastronomie, champagne, rhum, whisky, chocolat. Spécialité des Hauts-de-France, traiteurs, olives et tapenades, boissons gourmandes, photographes, coiffeurs et plein d'autres. Endroit unique pour trouver le cadeau idéal de la Saint-Valentin pour votre moitié. Ah, j'aurai la chance et le plaisir d'animer pendant les deux jours, puisqu'il y a des cadeaux à gagner toutes les heures. Eh oui, vous avez bien entendu, toutes les heures, il y a des cadeaux à gagner. Et à la fin des deux jours, le dimanche soir, vers 17h30, il y aura une tombola gratuite et avec un super lot. C'est un week-end pour deux, en amoureux, tout compris, all exclusif. Eh oui, vous avez bien entendu. Et l'entrée de ce salon est gratuite. Donc je vous rappelle, c'est à la salle polyvalente avenue Charles de Gaulle, à Tilloy-les-Monflaines, près d'Arras. À noter dans votre agenda, et je pense qu'il y aura peut-être un reportage aujourd'hui, on est en train de le préparer sur le direct de la Web TV. L'association Les Amis des Orgues de Caudry, vous savez, c'est l'association qui sauve l'orgue de Caudry. Eh bien, vous propose un concert à la Basilique Sainte-Maxellande, donc de Caudry, les musiques de Disneyland. Alors, avec l'harmonie municipale de Caudry, monsieur Nicolas Parent à l'orgue et la participation du chanteur Kevin Melochico. C'est le dimanche 3 février, à noter sur l'agenda, à partir de 16h. Le tarif, c'est 10 euros. Je vous rappelle que les 10 euros, c'est pour restaurer les orgues de Caudry. Enfants moins de 15 ans, 5 euros et c'est gratuit pour les mois de 4 ans. À noter donc le 3 février, c'est un dimanche à 16h. Et c'est à Caudry. Donc là, on va se porter un peu plus loin, mais je voulais que vous le notiez dans votre agenda, puisque les réservations sont ouvertes. C'est à l'occasion du salon du mariage de Le Cateau à Cambrésis. Il y aura une soirée sur le thème « L'art de l'effeuillage ». Elle vous sera proposée au Théâtre René Le Dieu, donc rue des Remparts à Le Cateau. C'est le samedi 23 mars à 21h. « L'art de l'effeuillage », c'est un show striptease féminin et masculin, avec le Spart Show. Alors, les tarifs de la prévente, c'est 8 euros et ça sera 10 euros sur place avec une coupe offerte. Donc, si vous voulez une prévente, il faut appeler le 06 81 68 48 99. 06 81 68 48 99. l'art de l'effeuillage à Lucato en Cambrésie le samedi 23 mars. Alors, je vous rappelle, si vous voulez faire partie de cet agenda, si vous êtes une association non commerciale, si vous êtes un commercial, il y a d'autres tarifs, mais là c'est gratuit pour les associations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous contactez Michel au 06 28 20 57 61 au téléphone direct, bien sûr, en SMS si vous voulez, ou bien vous allez sur la plage www.mrcradio.fr, la rubrique contact, il n'y a pas de souci. Il y a le mail mrcradioweb@gmail.com, il y a la page Facebook, il y a la page Twitter, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Et si vous êtes dans la lignée des annonces de MRC Radio, eh bien on diffusera votre annonce sur les réseaux sociaux, à l'antenne et sur la page internet de notre radio. Allez, on va revenir tout de suite en musique. Il est temps d'écouter de la musique, une nouveauté MRC Radio. Il s'appelle Soane et il fait un duo avec le groupe Trio. Vous vous en souvenez de Trio? Il revient un petit peu nous revoir et ça s'appelle À l'ancienne. Ah oui, À l'ancienne, ce sont de bons souvenirs que vous avez eu, vous et moi, je l'espère, sur les radios, sur les antennes radio. Soane et Trio, nouveauté MRC Radio, À l'ancienne. MRC Radio, la radio des hits. Dis-moi tu m'aimes à l'ancienne, dis-moi tu m'aimes à l'ancienne. L'amour est dépassé, c'est de l'histoire ancienne. Oui, les temps ont changé, mais la pluie est la même. Et je me demande pourquoi tu te donnes la peine de me parler de ton smartphone dans un double appel. Dis-moi tu m'aimes à l'ancienne, dis-moi tu m'aimes à l'ancienne, sinon je meurs, sinon je crève à l'ancienne. Dis-moi tu m'aimes à l'ancienne La météo me brime et les clouds s'amoncellent. Internet me déprime avec ses tweets, ses rengaines. Je me demande ce qui décolle à croire qu'on a la flemme de croquer dans la pomme, de vivre dans le réel. Dis-moi tu m'aimes à l'ancienne, dis-moi tu m'aimes à l'ancienne, sinon je crève à l'ancienne, dis-moi tu m'aimes à l'ancienne. Voilà, exclusivité, merci Radio, Soane et le groupe Trio à l'ancienne. Allez, on revient à la playlist à l'endissier. D'ailleurs, lui, c'est un peu le taulier de cette playlist. Il est là depuis le début. J'aurai la chance de le présenter. Je vous en dirai plus au cours de cette année. Pas loin de Caudry, vous verrez. Il viendra nous faire une petite prestation et on parlera animaux ce jour-là. Il s'appelle qui ? Sylvain Chanteur. Le monde d'aujourd'hui. Sylvain, on t'embrasse bien fort. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook pardon, et son site internet. Il y a plein de nouveautés, plein de choses intéressantes. Sylvain Chanteur, Le monde d'aujourd'hui. Te sourit, ils paraissent même trop bons. Il y en a qui te font des courbettes, mais est-ce une réalité? Tout le monde te complimente, ils paraissent même aimants. Il y en a qui font de beaux discours, mais est-ce la vérité? Love is respect. Love is respect. Love is hope. Love is hope. Love is honesty. Honesty. Love is true. Love is true. I don't.

so don't call me. Exclusivité MRC Radio, elle s'appelle Mabel. Et c'est vrai qu'elle est jolie. Don't call me up. Vous écoutez Michel jusque 12h. C'est le direct tous les vendredis matin. En rediffusion le dimanche matin à la même heure, 10h, 12h. Toujours des nouveautés, elle s'appelle Nell. Elle est jolie aussi. You and me, elle et moi. Vous et moi, pourquoi pas. Je vais faire engueuler, elle. Quoi ça sert, ce nom? Serre-moi un verre et sois plus clair. Dis-le à l'envers. On est d'accord sur rien du tout. Sans nos accords, un beau décor, on fait du Baudelaire. Les fleurs ne soignent rien du tout. Yeah. Le mal est fait, y'a rien à faire. Qu'est-ce que l'on espère? Recoller nos vies bout à bout. Quand on sort au dehors, le ciel qui fait tant d'efforts, du sombre à l'or, quel beau décor. Jour et nuit se battent encore. You and me pour la vie, I want you. Vacances fous, des paradis blancs, les meilleurs pires moments qui passent. You and me pour la vie, I want you back. Je veux tous nos emmerdements, les meilleurs pires moments qui passent. Les meilleurs pires moments qui passent. Remonter la montre à l'envers et battre le fer. Fermer les yeux qui désespèrent, yeah. Marier les couleurs de l'hiver dans les tons de chair. Chercher des parfums éphémères. Quand on sort au dehors, le ciel qui fait tant d'efforts. Nouveauté sur MRC Radio. Allez, on revient à la playlist Talent d'ici d'ailleurs. Perrine qui nous a fait un petit coucou sur notre page Facebook tout à l'heure. Perrine, on l'embrasse bien fort. Elle envoie tout valser, Perrine. Non, fais comme moi. Tu ne les écoutes pas et tu progresses. Perrine, j'envoie valser, qu'on embrasse bien fort. Talent d'ici et d'ailleurs. Thank you. et ça vaut de l'or. Radio. Nouveauté. Nouveauté. Nouveauté que vous entendrez sûrement à partir de lundi, parce qu'on nous écoute quand même pour savoir ce qu'on passe sur notre antenne. Le nouveau Emmanuel Moir, La Promesse. À vouloir parler, j'ai fini par me taire, jusqu'à oublier qui j'étais pour vous plaire. Au lieu d'assumer, moi j'ai fait le contraire. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de passer toute une vie sous une armure? Je me fais la promesse, je me fais la promesse d'être fidèle à ma personne. Je me fais la promesse, je me fais la promesse de vivre enfin quand mon cœur bat pour un homme. Pour un homme. À l'appui qui me dit quelque part que j'ai le droit aussi d'aimer sans être à l'écart. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine de passer toute une vie derrière un mur. Je me fais la promesse, je me fais la promesse d'être fidèle à ma personne. Je me fais la promesse, je me fais la promesse de vivre enfin comme mon cœur bat pour un homme, pour un homme, pour un homme. Ni les miens, ni les murmures, ni ma main, ni mon allure, jamais rien ne m'arrêtera. Je le jure, ni les liens, ni les injures, ni les points sur la figure, jamais rien ne m'aura ni même à l'usure. Si parfois tout ça nous blesse, on se doit d'aimer sans cesse, d'être là tout faire pour que l'on se redresse. C'est à toi que je m'adresse, à nos droits, notre richesse. Monsieur Emmanuel Moir, en nouveauté, Merci Radio, La Promesse. Tiens, pendant qu'on est dans les promesses, L'homme de demain. Ah, ça sera pas moi, j'ai plus l'âge. Mais c'est le titre de Monsieur Raphaël Clem, nouveauté. Et Merci Radio, L'homme de demain. C'est qui? C'est vous, peut-être? Je suis en avance sur tout, ou bien tout est en retard. Le passé déjà mis au clou. Les rêves sont une vieille histoire. Les prières, je les laisse aux fous, aux intoxiqués de l'espoir. Nul Dieu pour tourner ma roue, trop lourde pour un tel vieillard. J'ai tout truqué sans détour pour éviter les pourquoi. Y'a longtemps que je suis sourd à toutes les sirènes de la foi. Plus d'envie, plus de besoin. L'homme de demain, je n'aime que moi. Plus personne qui tenir. Je suis vision d'avenir. Je suis le roi. jamais de décor enchanteur, je me conserve dans le froid. Vous voyagez, moi, le monde entier, je le connais sans même y rendre. Je le programme sur mon clavier, je le soumets, je l'engendre. Mon cœur, à force de se cacher, on a presque oublié qu'il bat. L'amour qui vous tient attaché, un lien de plus dont je ne veux pas. À me méfier de moi-même jusqu'à me haïr, car je suis bien le dernier qui puisse encore me trahir. À l'abri derrière mes grilles, même le jour ne peut m'atteindre, mais au moins quand rien ne brille, rien ne peut s'éteindre. Plus d'envie, plus de besoin, je suis l'homme de demain. Allez, on revient à la playlist Talent d'ici. D'ailleurs, elle est de Caudry, elle a un talent fou. On a souvent participé avec elle sur des scènes. Elle s'appelle Ilana, une reprise de Madame Céline Dion. Encore un soir, Talent d'ici et d'ailleurs, Ilana. C'était n'y pas croire, c'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ses visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça, vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Même pas se voir, ça restera entre nous. caresser, juste un baiser, un baiser, encore un soir. C'est radio. J'écoute toute la journée. Souvent au bureau. Le soir à la maison quand je prépare mes rapports. Plus de souvenirs. Plus de souvenirs. It's been 7 minutes now since I lost my way. It doesn't seem like long, but my whole world has changed. It's in all the little things. When you smile, now it stings. It's been 7 minutes since I lost the girl of my dreams. It's been half an hour now since I dropped you home. And I'm driving past the places we both know. Past the bar where we first kissed. And that movie that we missed. Cause we were hanging out in the parking lot. Now I sink a little deeper. A little clearer, looking at myself through these new found eyes. Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town. Now I know how I let you down. Oh, I finally figured it out. I forgot to love you. Love you, love you. I forgot to love you, love you, love you. Radio's playing songs for me and you. Chasing cars reminds me of nights in your room. Drinking wine on the old window. Back when life was so damn simple. How the hell did I end up losing you? Is it too halfway out of town. Now I know how I let you down. Oh, I finally figured it out. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you. If I came back now, would you still be there? If I come around, would you even care? If I came back now, would you still be there? If I come around, would you even care? Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town. Now I know how I let you down. Oh, I finally figured it out. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you. Ça n'arrête pas les nouveautés sur MRC Radio le vendredi matin en rediffusion le dimanche matin à la même heure. Dean Lewis, 7 minutes, je vous l'ai dit en français. Love you, love you. Si on se faisait quelque chose tous les deux, bien pourquoi pas, c'est Simone. Simone, S-E-M-O-N-E qui me le propose, tous les deux. Entre toi, que l'on se souvienne, ces moments à nous. Je vois tant d'amour au coin de tes yeux. Quand on est juste tous les deux, pourquoi est-ce que tu ne me prendrais pas dans tes bras? Qu'on valse ensemble juste une dernière fois. c'est compliqué dès qu'il s'agit de moi. Tellement de choses que je ne dis pas. Chante, chante si tu veux. Chante quand tu peux. Mais chante avec moi. Et danse, danse si tu veux. Danse quand tu peux. Mais danse avec moi. Tu resteras le premier homme de ma vie qui m'a montré ma voix. Et je chante aujourd'hui. Tu m'as appris à voir vraiment qui je suis. Et pour tout ça, merci papa. Chante, chante si tu veux. Chante quand tu peux. Mais chante avec moi. Et danse, danse si tu veux. Danse quand tu peux. Mais danse avec moi. Papa. Simone, c'est pas gay aujourd'hui. J'espère qu'elle sortira un titre. Allez, comme notre talent d'ici d'ailleurs, lui c'est le soleil dans la radio. Monsieur Florent Adroit, mets-toi à l'aise. Et c'est vrai que si vous devez prendre la route, faites attention, il y a du brouillard dans les Hauts-de-France et ça glisse un peu à certains endroits. Merci de l'information. Mets-toi à l'aise, Florent Adroit, soleil, soleil, soleil. Regarde, il y a le soleil, il n'y a pas un seul nuage. Et tous ces gens qui sont là, qui veulent aller à la plage. Tous entassés sur le sol, tous les arômes au même endroit. Le parasol sur l'épaule, la serviette autour du bras. Tournez rôti d'un côté, allez on tourne de l'autre. Car ça fait bien, il paraît, d'être bronzé comme les autres. Et à se dire en plus, nous sommes enfin en vacances. Au même endroit, pas de chance. On se retrouve enfin, quel que soit le camping. À quoi on est bien entassé, ça nous rappelle le building. Mais bon, c'est vrai, on est bien, il y a le soleil et la mer. Moi j'ai envie de crier. On aura quand même prévu la attente. Au coin du feu châtre, on fumera de la menthe. Allez, mets-toi à l'aise, viens avec moi, oui, en vacances. Je te promets tous les problèmes, ici on s'en balance. Au bord de l'eau qui file, on fera des randos. On fera la sieste tranquille, on prendra. Radio. La radio plaisir. Amoureux ont rendez-vous les samedis 26 et dimanche 27 janvier au salon spécial Saint-Valentin à Tilloy-les-Mauflaines. 30 exposants seront présents pour vous aider à trouver le cadeau idéal et gagner un week-end romantique pour deux personnes. Encore une bonne raison d'aller au salon spécial Saint-Valentin à Tilloy-les-Mauflaines les samedis 26 et dimanche 27 janvier. Entrée gratuite. Et je vous rappelle qu'on se retrouvera en animation pendant les deux jours avec plein de cadeaux à vous offrir. Lui, il s'appelle Mover Tongue. Les tongs en ce moment, c'est peut-être pas le moment. Boing, Me The Horizons. Nouveauté, merci Radio. Till they pulled us to that time and place. And I'll never forget when the floodgates opened. We cried in motion. It still has me choking. It's hard to explain. I know you know me. You don't have to show me. I feel you're lonely. No need to explain. So don't say you love me, fella. Just let your heart speak up and now. Chosen, like our fates were woven, and all of those bad choices were left turns on the way. Allez, les tongs, c'est pour prochainement, je l'espère. Mover Tongue, c'est son nom. On revient à la playlist allant d'ici d'ailleurs, elle est d'ici, des Hauts-de-France. Écoutez cette magnifique reprise de monsieur Daniel Balavoine. OCL Liberty, c'est son nom, tous les cris, les SOS, talent d'ici d'ailleurs. garçon dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Une exclusivité MRC Radio. Eh oui, encore une. Eh bien, depuis 10h ce matin, il y en a eu énormément sur l'antenne de MRC Radio. Le nouveau Broken Back, Young Love, nouveauté, exclusivité MRC Radio. Try to keep of the water. I fall deep into myself, swimming in the mud. I count sheep in the dark. 'Cause I am damn enough to know none of these make sense. I won't grow up. Hold on to my innocence. I'm damn enough to know none of these make sense. I'm young in love, a little bit ridiculous. I am someday that choices to stay here or fly. Troubles, my friend, are overextended. Voices, they sing me the signs. And I fall deep into myself, swimming in the mud. I try to keep of the water. Yeah, I fall deep into myself, swimming in the mud. I count sheep in the dark. 'Cause I am down and I do not know none of these makes sense. I won't grow up. Hold on to my innocence. I'm down and I do not know none. Still ain't used to explode, but I took some more. Baby went in on my door. Next out the low, watch the glow. Cause you been around me for days now, parading through my place like a playground. I ain't never seen you dance, I ain't never heard you say. Tryna catch a glance cause I know you can. No delay, let's start romance. I ain't never seen you dance, I ain't never heard you say. Catch a glance cause I know you can. No delay, let's start romancing. Someday I will find you, yeah. Someday I will find you, yeah. I wanna be, yeah. I wanna be going home, but I think that I'm so dead. That I'm close to finding you. I'm so glad that I crashed on this mission. Stranded on your planet and it's evident I'm a walking contradiction. Like, bitch, I'm a feminist. I know every woman's a star. And girl, you shine the brightest in my sky. Now it shouldn't be hard to treat her with some dignity and mind. One time for my Antwerp ladies, one time for my Belgian girls, two times for my girl who showed me there ain't nothing better in this world. I ain't never seen you dance, I ain't never heard you say. Tryna catch a glance cause I know you can. No delay, let's start romance. I ain't never seen you dance, I ain't never heard you say. Tryna catch a glance cause I know you can. Delay, let's start romancing. Oh, I think I found you. Oh, I think I found you. Oh, I think I MRC Radio, ouvert 24h sur 24. Et oui, 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est votre radio, www.mrcradio.fr. Et oui, vous avez reconnu également le générique, c'est terminé. Et oui, on s'est fait déjà 2 heures qu'on est ensemble, c'est noté sur l'horloge. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été à l'écoute de l'émission, merci de rester connecté tout au long de la journée. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission, il y aura, je crois, 2 nouveaux animateurs qui vont nous rejoindre. On est en train de finaliser ces 2 émissions qui passeront en soirée. Et oui, il y a de la nouveauté 2019 sur MRC Radio. Alors, je sais qu'il y a des amis à vous qui vous disent régulièrement, Michel, ou qui nous envoient des petits messages, on n'a pas écouté le direct. Je vous rappelle qu'il y a la rediff à la même heure, le dimanche matin, 10h-12h. Vous avez le temps de vous réveiller tranquille et de faire la grasse mat en écoutant le direct. Allez, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 10h-12h sur le www.mrcradio.fr. J'espère que vous allez passer une excellente week-end, une excellente semaine, pardon, un très bon week-end. Et oui, on est vendredi. Et surtout, n'hésitez pas à écouter les programmes si vous ne sortez pas à cause du temps. Les programmes des Mercer Radio le soir, il y a de super, super animateurs avec de superbes émissions. Le samedi soir, c'est la folie à partir de 19h. Qu'on se le dise. Allez, bye bye, portez-vous bien. Bisous, bisous. Et si vous voulez gagner une crêpière, eh bien, il faut aller sur le direct de la Web TV, la page Facebook. Il y a le jeu. Tirage au sort la semaine prochaine pour gagner ces deux crêpières. Bye bye, au revoir, portez-vous bien.